porte tes chevaux. Qu'importe cette robe, qu'elle soit rouge ou bien bleue. Que tu sois pauvre ou riche, moi, ça m'importe peu. L'important, c'est que tu restes toi. Tu peux être un prince et prendre tes poses, mais tu n'en seras l'homme.